femmes émancipées. Le génie de Rousseau naquit de Madame de Varins. Jean-Jacques Rousseau a été le premier biographe de Madame de Varins et sans doute n'est-elle célèbre aujourd'hui que parce qu'il a parlé d'elle. Pourtant, si l'on examine de plus près le personnage de Madame de Varins, on s'aperçoit que sa vie est suffisamment riche, fertile en incidents et que sa personnalité est suffisamment grande pour qu'on puisse s'intéresser à elle autrement que par l'intermédiaire de Rousseau. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Avec, pour la première émission d'une série de la semaine, Claude Habib, bonjour. Bonjour. Je ne donne jamais les titres des invités, mais alors, quand vous m'avez dit que vous étiez professeur devenu émérite, vous y avez ajouté une exclamation. Une exclamation de soulagement, parce que... Oui, vous avez dit « Hourra !» Oui, c'est vrai que ne plus avoir enseigné la vie de Rousseau à des premières années, c'est un soulagement. Oui, et puis pouvoir vivre le mode de vie qui a été celui de Rousseau, jeune du moins, avec l'école buissonnière, la possibilité de lire comme un bonheur, sans lecture captive, ben ça c'est chouette. Hein. Oui, lire, non pas pour faire court la semaine prochaine, mais lire ce qu'on désire, bien sûr. Enfin, vous êtes encore professeur parce que vous voulez me corriger d'entrée. Oui, je veux vous corriger parce que Varins, c'est justement la prononciation éducation nationale, et Rousseau a toujours dit Vuaran, parce que ENS, ça se prononce en Savoie, et parce que le véritable nom de famille, c'est V-U-A-R-E-N-S, qu'elle est la graphie originelle. Mais Mirabel Husson, qui a préparé l'émission, m'a soutenu ça pendant une semaine. Je n'ai pas voulu la croire, mais puisque vous l'avez dit, Claude Habib, je souscris. Les confessions de Rousseau, dont Juliette Gou, notre réalisatrice, dit que ça l'a bouleversée quand elle les a lues dans son adolescence. C'est une autobiographie de Rousseau, mais c'est aussi, à bien des égards, une biographie de Madame de Vuaran. Merci. J'ai d'ailleurs cité le premier texte qui est jamais publié en 1739. C'était en 1739. Jean-Jacques, jeune, sage, vertueuse, Vuaran, dès mon enfance attachée à m'instruire. Vous qui, à travers ma misère, crûte lire que de quelque talent le ciel m'avait pourvu. Vous que j'ose appeler du tendre nom de mère, acceptez aujourd'hui mon hommage. Sincère. Un mot sur ce qu'était Jean-Jacques à 13, 14, 15 ans avant qu'il ne rencontre Madame de Vuaran. Alors il rencontre Madame de Vuaran l'année suivante à 16 ans. Auparavant, c'est un fugueur et c'est un garçon en péril. Donc sa mère est morte à sa naissance, tout le monde le sait. Mais son père. Ah bah, sauf les premières années. Mais son père a dû quitter Genève après une rixe, donc il est placé en apprentissage et il est extrêmement malheureux chez Abel Ducommun, qui le brime même sur un plan alimentaire. Donc il finit par fuguer. Mais si on regarde de près les confessions, on s'aperçoit que son grand frère avait fugué aussi et que son grand frère a disparu. Donc il y a ce frère perdu, peut-être mort, probablement mort. C'est en tout cas ce qu'on pense quand il hérite finalement des biens de sa mère. Vous voyez, c'est une famille qui est soufflée. Il aurait très bien pu disparaître comme son frère. Errant, il se retrouve non plus à Genève, mais du côté catholique, chez le duc de Savoie, roi de Sardaigne. C'est à Chambéry qu'a lieu la première rencontre. Je m'étais figuré une vieille dévote bien rechignée. Je vois un visage pétri de grâce, de beaux yeux bleus pleins de douceur, un teint éblouissant, le contour d'une gorge enchanteresse. Rien n'échappa au rapide coup d'œil du jeune prosélyte, car je devins à l'instant le sien, sûr qu'une religion prêchée par de tels missionnaires ne pouvait manquer de mener en paradis. « Et mon enfant, me dit-elle d'un ton qui me fit tressaillir, vous voilà courant le pays bien jeune, c'est dommage en vérité. » Puis, sans attendre ma réponse, elle ajouta « Allez chez moi m'attendre. Dites qu'on vous donne à déjeuner. Après la messe, j'irai causer avec vous. » Alors, très proche des confessions, c'est une émission de radio produite à Lyon en 1966, mais dont l'auteur est oublié. Il aurait suffi de peu pour que Madame de Vuaran ne fût elle aussi oublié. Alors, il y a tout de suite une dimension sensuelle dans cet extrait. Nos bouches sont faites l'une pour l'autre, mais enfin, il n'y a pas eu de rencontre amoureuse d'emblée. Il y a une compression du temps là qui est opérée quand il évoque 1728. Il y a un désir immédiat, mais qui est un désir de se confier. C'est, je trouve enfin la berge, je trouve enfin la bonne hôtesse. Il y a cet émerveillement pour la blondeur et le teint éblouissant. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce jeune fugueur est au bord de se convertir et de se convertir pour manger. Tout simplement, hein, parce que la propagande pour la foi catholique fait que on va se convertir à l'hospice de Turin, l'hospice des catéchumènes pour du pain. Il va se retrouver avec des semi-prostituées, avec des voleurs. Donc, Genève est protestant, le royaume de Sardaigne, duché de Savoie, est évidemment éminemment catholique. Madame de Voiran elle-même, elle a abjuré le protestantisme. Dites-nous un mot de sa jeunesse. Elle a 28 ans, là. Alors, elle a 28 ans. Elle est née en 1699. Bon. Étant née avec le siècle, dit Rousseau. Elle a 28 ans, en tout cas, en 26. Elle a quitté le mari avec qui, Monsieur de Voiran, avec qui elle est mariée depuis 13 ans. En Suisse. À Vevey, en Suisse. Oui. Là où elle est née, d'ailleurs, à Vevey. Et elle s'en va. En emportant l'argenterie, en emportant de l'argent qu'elle prend, sous prétexte d'aller prendre les eaux à Annecy, mais c'est une fugue, et c'est une fugue accompagnée d'un jeune domestique qui s'appelle Claude Annet, qui va devenir l'intendant de sa maison, et avec qui elle a évidemment une liaison. Alors, parce que elle va se jeter aux pieds des autels de l'Église catholique, c'est pas le moment, si vous le voulez bien, de parler de l'amant intendant. De l'amant caché. À peine arrivé à Évian, son premier soin fut d'aller se jeter aux pieds du roi de Sardaigne, qui lui aussi venait d'y entrer. Il était accompagné de l'évêque, Monseigneur de Bernex, qui, voyant la jeune femme secouée de sanglots et se recommandant à eux, accepta ses pleurs comme un miracle. Tout de suite, Madame de Varens résolut de se convertir au catholicisme. Le 8 septembre, jour de la fête de la Nativité de la Sainte Vierge, Madame de Varens rétracta publiquement les erreurs dont elle avait fait profession. Le bruit de ce succès s'étant répandu dans les provinces voisines, combla de joie tous les bons catholiques. Et à titre de récompense pour cet acte de piété édifiant, elle recevait une pension de 1500 livres accordée par le roi de Sardaigne. Madame de Varens était désormais libre. Le divorce fondé sur sa désertion malicieuse avait été prononcé. Sans enfant, assurée désormais de subsister grâce aux pensions qu'elle venait d'obtenir, elle pouvait mener la vie qui lui plaisait. Alors, que nos auditeurs en soient convaincus, à Lyon, production de 66 de la radio, on dit Varens, mais prononciation orthodoxe, voilà. Comment ça voit Varan. Alors, vous avez été au Charmettes, on parlera de la maison qu'ont loué Rousseau et Madame de Voiran un peu plus tard. Vous en avez tiré ce que vous appelez un opuscule, c'est un très joli livre chez Fallois qui s'intitule Rousseau au Charmettes. Quel est le rapport qui s'établit? D'un côté, il y a un jeune homme désargenté, dites-vous, qui a besoin de femmes pour la stabilité ou peut-être la réussite. Et puis de l'autre côté, il y a une femme qui est établie comme convertisseuse par l'Église, c'est... qui attend ce rôle d'elle. Évidemment, le roi lui donne une pension, mais il lui donne une pension pour qu'elle fasse le bien. Et faire le bien, ça veut dire convertir des âmes en péril, et ça veut dire aussi donner des soins aux malades. Ça, c'est une chose que Rousseau ne dit pas. Il dit bien qu'elle fait des décoctions avec des herbes et qu'elle fait une pharmacopée et qu'elle le poursuit en lui fourrant dans la bouche des choses qu'elle a fait cuire pour faire des remèdes. Ça le dégoûte. Mais ce qu'il dit pas, c'est que elle est la fille d'un médecin empirique, un mège, comme on dit dans la région. Elle a des recettes. Et ces recettes, elle va les mettre en pratique pour donner gratuitement des remèdes aux pauvres. Donc vous voyez, c'est une dame qui fait de la bienfaisance autour d'elle, et c'est pour ça qu'elle est rétribuée. Mais c'est un théâtre de la vie dévote, mais derrière, dans les coulisses, il y a quand même plus de sexualité qu'on ne l'imagine dans les milieux bien pensants autour du roi de Sardaigne. Alors, je vous ai dit qu'elle était partie avec Claude Anet. Elle va ajouter à un moment Rousseau, et il va y avoir, comme on dit aujourd'hui, un trouple, cette formation donc d'un trio que Rousseau trouve extraordinaire, comme on n'en a jamais vu, de confiance depuis le début du monde. Bon, c'est lui qui le dit. Cela dit, Claude Anet tente de se suicider en avalant de l'opium. Ça doit être du laudanum, puisque c'est liquide. Et puis, c'est vous êtes un peu apothicaire. Vous, Claude Habib? Non, non, le loulou d'un homme depuis le 19e, on sait ce que c'est. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Rousseau comprend que Claude Anet est l'amant de Madame de Varan. Il l'est aussi à ce moment-là. Et puis, Claude Anet va mourir d'une manière qui paraît louche à tout le monde, parce qu'il va accueillir des simples dans la montagne, à un moment où la montagne est couverte de neige, et revient avec une pneumonie, il meurt. Et ça ressemble soit à un suicide, soit à une conduite suicidaire. Donc, le moment où il reste seul avec elle, c'est après donc la mort de Claude Anet, c'est le moment des charmettes. Hein, c'est le moment où ils vont louer cette maison. Une maison d'été. Qui est une maison d'été. Posée sur un vallon. Sur le flanc d'un vallon, oui. Et c'est la maison du bonheur dans le livre 6 des Confessions. Il y a ce chant du bonheur. Mais si vous me permettez, avant que vous ne parliez des chambres qui restent séparées pour que la réputation soit préservée aux charmettes, il y a quand même un moment que vous soulignez, quand elle décide de mettre Rousseau dans son lit, elle lui tient le propos le plus moral. Ah oui. Qu'il ait jamais entendu d'elle. Oui, c'est presque réfrigérant d'ailleurs. Enfin, elle lui explique que maintenant il est convoité par des tas de femmes assez âgées d'ailleurs, hein, qui sont les mères de ses élèves. Rousseau à ce moment-là donne des cours de musique et à Chambéry, et donc bon, les mères de ses élèves lui font du gringue. Lui, il est plutôt attiré par les petites jeunes filles de 15 ans, mais enfin, ce sont les mères qui lui appliquent des baisers sur la bouche quand il arrive. Alors, Madame de Varan dit, pour vous protéger des femmes, je vous propose d'avoir une liaison avec moi. Pour vous protéger des femmes. Pour votre santé, pour votre... C'est quelque chose d'ahurissant, enfin, cette espèce de marché pédagogique absurde. Une femme pour vous protéger des femmes, bon, enfin, la femme parapluie. Et il commence une liaison qui est... peu satisfaisante pour lui, il le dit. Hein, il dit que puisqu'il l'appelait maman et qu'elle l'appelait petit, il a le sentiment de commettre un inceste. Donc c'est des rapports sexuels qui ne sont pas excitants pour lui et qui sont certainement pas satisfaisants pour elle. Mais c'est une émancipatrice, elle ne peut pas tenir un langage d'émancipée, ne serait-ce que parce qu'elle est noble et que les nobles n'expriment qu'à demi, peut-être, ce qu'ils pensent. De toute façon, une femme noble est forcément marquée par les idéaux de... Enfin, les de idéaux réserve. De réserve, oui, de réserve. Elle est libertine, ça il le sait, puisqu'elle lui dit, elle n'est pas cachotière avec lui. Donc elle lui dit que son premier amant, Monsieur de Tavel, l'a convaincue que ça n'avait aucune espèce d'importance, que ça n'avait pas de gravité. Et du moment que l'évêque qui fait payer la pension ne le sache pas. Non, à l'époque elle est protestante, hein, ça se passe à Vevey, oui. Et ce qu'il lui explique, c'est que tant que le mari n'est pas au courant, on ne lui prend rien. Pourvu que ce soit caché, ces histoires n'ont aucune espèce de gravité. Et donc elle a été intellectuellement retournée par cet argument. Rousseau dit, elle était froide, elle n'avait pas de sensualité, mais elle a été corrompue par l'esprit, par la raison. Ils vont ensemble choisir une maison, elle en chaise à porteur et lui l'accompagnant. Leur choix se porte sur les charmettes, donc au flanc d'un vallon avec un verger incliné tout au-dessus. Et vous dites, ça vous fait penser à une chanson de Leonard Cohen, que tous deux, dès qu'ils sortaient, partout où les portaient leurs pas, l'amour semblait les suivre. Once there was a path and a girl with chestnut hair, and you passed the summers picking all of the berries that grew there. There were times she was a woman, or there were times she was just a child. And you held her in the shadows where the raspberries grow wild. And you climbed the twilight mountains, and you sang about the view. And everywhere that you wandered, love seemed to go along with you. That's a hard one to remember, yes, it makes you clench your fist, and then the veins stand out like highways all along your wrist. And yes, it's come to this, it's come to this. And wasn't it a long way down? It's just a dress rehearsal rag. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Il régnait dans la maison de Madame de Varens une atmosphère de facilité, de gentillesse, de simplicité presque enfantine. Pour elle et autour d'elle, tout semblait facile, agréable. Tout se résolvait et son esprit ingénu, porté à ne rien dramatiser, s'accommodait de tout, l'obligeait à ne voir que le bon côté de l'existence. On ne trouvait pas chez elle la magnificence qui existait dans bien d'autres maisons, mais on y trouvait la propreté, la décence et une abondance patriarcale avec laquelle le faste ne s'allie jamais. Elle avait peu de vaisselle d'argent, point de porcelaine, point de gibier dans sa cuisine, ni dans sa cave de vins étrangers. Mais l'une et l'autre étaient bien garnies, au service de tout le monde, et dans des tasses de faïence, elle donnait d'excellents cafés. Quiconque venait la voir était invité à dîner avec elle ou chez elle, et jamais ouvrier, messager ou passant ne sortait sans manger ou boire. Claude Habib a visité longuement, a passé plusieurs jours au Charmettes pour préparer un livre qui est paru il y a quelques années aux éditions de Fallois, Rousseau au Charmettes, sur les pas donc de Madame de Varens, sur les pas de Madame de Varens. Alors vous vous installiez sur un banc, vous posiez un livre. Rousseau le faisait aussi quand il était jeune, habitant entre 1735 et 1741. Les Charmettes, il oubliait parfois le livre. Oui, il dit qu'il a perdu et gâté beaucoup de livres dans le jardin parce qu'il les emmenait pour bêcher ou pour s'occuper du pigeonnier ou des abeilles. Et que ensuite il les retrouvait une semaine après mangés par les fourmis. Et ça, c'est pas le temps du livre de poche. C'est le temps où le livre est vraiment un bien très précieux et elle le laisse faire ça. Madame de Varens, donc, elle est beaucoup plus riche que lui, puisque lui, c'est un sans le sou. Elle est riche, elle a 12 ans de plus que lui, et elle va lui donner ce temps extraordinaire, ce temps dont il pense qu'il durera toujours, qui est un temps où il n'a plus à se soucier, plus à se demander qu'est-ce que je vais devenir dans la vie. Parce que quand même, depuis qu'il est parti, c'est ça, qu'est-ce qui va devenir de moi. Un havre, oui. Et dans ce havre, il se met à lire comme un fou, à acquérir par ses propres moyens la mathématique, la philosophie. Enfin, il a ce programme de lecture qui fait penser à Gargantua. Et de lecture et de travaux des champs. Il est aussi son intendant, il est aussi celui qui supervise certaines activités agricoles. La simplicité des Charmettes lui sied. Il n'y a pas de porcelaine, ou peu, il y a de la faïence. Alors vous avez expliqué que Madame de Varens était partie avec l'argenterie de son mari, mais Rousseau souligne qu'il n'y a pas beaucoup d'argenterie. D'abord, elle est partie avec l'argenterie, mais son mari ensuite lui a piqué sa dot. En faisant prononcer le divorce, ça veut dire qu'il s'empare de ses biens. Que le divorce lui, qui est possible en Suisse. Il est possible en Suisse et il n'est pas possible en Pays catholique. Donc elle ne peut pas se remarier, mais lui peut se remarier. En fait, il se remariera pas, mais lui est libre d'elle. Le divorce est un sale coup quand même qu'il lui fait. Mais enfin, elle a les moyens d'une petite abondance. Je ne sais pas si elle pourrait avoir des cristaux, du gibier et de. Je ne sais pas à quel point c'est un choix. Elle est aussi d'une noblesse modeste avec une petite pension. D'autant plus que comme c'est une femme extraordinairement entreprenante, et ça Rousseau le sent, le dit et ça lui fait peur. Elle est toujours endettée. Sa pension est toujours engagée pour l'année prochaine. Tant qu'elle est au Charmettes, ses projets sont des projets agricoles. Elle veut faire une grosse ferme avec plein de d'animaux et de culture des champs. Après, elle voudra faire des mines en Savoie, des mines de charbon, des mines argentifères. Enfin, elle est un jardin des plantes à Chambéry, l'ancienne capitale des ducs de Savoie, roi de Sardaigne. Quand vous êtes au Charmettes, s'interposent les confessions. Alors, le toit, par exemple, c'est un toit de tuiles, comme il est dit dans les confessions. C'est un toit d'ardoise. C'est évidemment un toit d'ardoise. Dans les confessions, est-ce qu'il dit que c'est un toit de tuiles? Il dit... Il dit que c'est rose, rouge. Il rêve d'une maison à contrevent vert avec un toit de tuiles à la fin des milles. C'est son rêve, qui n'est pas exactement une chaumière, qui est un peu plus qu'une chaumière, parce que c'est ainsi que les maisons sont couvertes dans mon pays. Bah, bon, sur cet exemple-là, ça marche pas, parce que c'est une maison de maître. C'est quand même, c'est pas du tout une chaumière, c'est une maison de maître. Il y a 4 mètres de plafond. Il y a 4 mètres de plafond, on se demande comment il chauffait, c'est pour ça que c'est une maison d'été. Quoique Rousseau y a passé un hiver. À la fin, quand il est évincé par le jeune Vincent Reed, qui devient l'amant de Madame de Vouarant. Comment vous prononcez ça? Vincent Reed. Ah oui. Ou le chevalier de Courcelles, on peut dire les deux. À ce moment-là, Rousseau se marginalise, ne redescend pas avec elle à Chambéry l'hiver et passe un hiver aux Charmettes. Donc je me demande comment il se chauffait, parce que ces bâtisses-là, je vois pas comment c'est possible. Tous ces jours aux Charmettes, écrivez-vous, c'est à propos de vous, est trop court. Et les Charmettes douloureuses ont été en fait beaucoup plus longues que les Charmettes heureuses. Et ça, il n'en parle pas. Ça, c'est le trou dans les confessions, et c'est ce dont on s'aperçoit quand on essaye de mettre bout à bout des éléments de biographie. Entre le départ à Paris en 41 et le moment où il s'aperçoit de son éviction en rentrant de Montpellier, voilà, entre 39 et 41, que se passe-t-il? Et ce qui se passe, c'est qu'il fait du surplace, il n'arrive pas à la quitter, il a refusé de la partager, il ne veut plus de trouple, il ne veut plus cette formule de trio. Avec Monsieur de Courcelles. Avec enfin, dont il raconte que c'est le fils du concierge, alors qu'en fait c'est un châtelain. Il est donc jaloux, sans vouloir admettre qu'il est jaloux, et il est souffrant, il habite aux Charmettes. Alors il y a certainement un moment Charmettes qui est un moment terrible pour lui, où il est bafoué sur place. Les considérations qu'il va formuler plus tard dans un certain nombre de livres, ici on va entendre un extrait de L'Émile, qui coïncide pour sa publication avec la mort de Madame de Vouarant, sont-elles les conséquences de l'observation qu'il a faite de celle qu'il appelait maman? La recherche des vérités abstraites et spéculatives, des principes, des axiomes dans les sciences, tout ce qui tend à généraliser les idées n'est point du ressort des femmes. Leurs études doivent se rapporter toutes à la pratique. C'est à elles à faire l'application des principes que l'homme a trouvés, et c'est à elles de faire les observations qui mènent l'homme à l'établissement des principes. Madame de Vouarant n'était pas douée pour l'abstraction, les femmes ne le sont pas, Claude Habib. J'ai du mal évidemment avec ce texte, comme n'importe qui au XXe et XXIe siècle, c'est assez pénible cette manière de réserver le génie à l'homme, l'observation à la femme, mais très certainement il y a dans la saisie par Madame de Vuaran des émotions des personnages qui les entourent, qui le frappent. Il y a dans l'empathie des femmes quelque chose qui lui paraît très spécifique, et on revoit aujourd'hui que les femmes sont souvent dans les métiers de la psychologie, dans les métiers de la médiation. Vous prenez, je sais pas moi, les gens qui représentent les représentants dans l'édition, même tous ceux qui font un travail de mise en rapport. Les assistantes, ce sont souvent des femmes, parce qu'elles ont une espèce d'entre-gens. Voilà, c'est ça qu'il saisit chez les femmes comme spécificité du féminin, c'est le sens de l'humain. De là à dire, elles sont pas capables d'abstraction mathématique, là je crois que on peut pas le supporter. Et puis elles sont conscientes, encore plus à cette époque aujourd'hui, de la brièveté de leur charme. Quand il reverra Madame de Vouarant en 1754, il la trouvera dans un grand état d'accablement, et elle a perdu tout de sa beauté et tout de son argent. Le nombre d'affaires que Madame de Varens élabora, qu'elle parvint même pour certaines à édifier vraiment, est incalculable. Il suffisait de lui présenter un projet pour qu'aussitôt elle s'enthousiasme, pour qu'elle en espère monts et merveilles, et surtout pour qu'elle y engage sans plus attendre la totalité de ce qu'elle possédait. Le progrès des ans ne faisait qu'augmenter en elle cette manie. Et à mesure qu'elle perdait le goût des plaisirs du monde et de la jeunesse, elle le remplaçait par celui des secrets et des projets. La maison ne désemplissait pas de charlatans, de souffleurs, d'entrepreneurs de toute espèce. Et puis après, il a fallu abandonner la maison, et en 1754, quand il la retrouve, elle n'a plus de ses anciens bijoux qu'une bague au doigt qu'elle veut offrir à Thérèse, la secrétaire, la cuisinière, la compagne de Rousseau. Et Rousseau lui aurait proposé de venir les rejoindre à Paris. Oui, non, je pense que c'est une solution qui n'est pas possible pour elle d'être comme ça sur un tabouret à côté de Thérèse. Bon, elle peut pas accepter. Mais il y a un livre important sur Madame de Voiron qui est d'une descendante, mais c'est pas un livre familial, c'est le livre d'Anne Nochis qui s'appelle Madame de Voiron, qui était publié aux éditions de l'Air en 2012, et qui dit que Rousseau exagère, que les affaires de Madame de Voiron, après qu'il l'a quittée, ne périclitent pas tant que ça, et qu'elle se lance dans beaucoup de projets qui ont un certain avenir, un certain succès. Alors, bien sûr, elle meurt criblée de dettes, mais enfin, elle n'est pas jetée à la fosse commune. Elle est enterrée dans l'église de Saint-Pierre de Léman, à Chambéry. Enfin, c'est pas le déclin terrible qu'il dit. Alors, grâce à lui, son nom perdure, avec toutes les prononciations possibles et imaginables, et les Charmettes, c'est un lieu de pèlerinage dès les années 1810. Il y a des livres d'or, il y en a une trentaine qui se succèdent depuis cette période jusqu'à aujourd'hui. On va pas raconter comment les Charmettes ont été patrimonialisées, elles sont la propriété de la ville de Chambéry, dont les vertus sont bien connues, mais qu'est-ce que vous proposeriez, vous? On va pas restituer l'odeur de la ferme qui jouxtait la maison de maître. Qu'est-ce que vous proposeriez pour l'aménagement économique et touristique des Charmettes? J'ai proposé qu'on remette dans le pigeonnier des tourterelles, parce que les pigeons, maintenant, c'est devenu un peu les rats des villes. Alors, c'est moins esthétique qu'à l'époque. Donc, je voudrais des tourterelles de Turquie qui sont très jolies. Et je voudrais également des abeilles, puisque Rousseau s'occupe de la ruche. Mais je crois qu'avec la fréquentation touristique, les abeilles et les petits-enfants, ça ferait pas bon ménage. Donc, je crois que mes solutions ne sont pas supportable pour le ministère de la Culture. Et puis pour la ville de Chambéry, et puis vous n'êtes pas là pour apporter des solutions économiques. Maintenant, il y a un centre d'interprétation, de toute façon, à côté des Charmettes, comme dans toute maison d'illustre qui se respecte et qui veut garder les caractères propres des pièces. Il y a combien de pièces, d'ailleurs, aux Charmettes? On ne sait pas. Alors, il y a quatre pièces qu'on visite, mais il y a beaucoup plus de pièces. Quand vous regardez la façade, il y a beaucoup plus de pièces parce qu'il y avait les logements des domestiques et que la mise en scène actuelle des Charmettes nous montre la maison du bonheur, la maison du couple, mais que, évidemment, le côté de ferme et le côté de maison avec des serviteurs, parce que c'est comme le tiers-monde, il y a plein de serviteurs à l'époque, ça, et le couchage des serviteurs, on ne le voit plus. Et puis, pensons à la chapelle, parce que c'était aussi un théâtre de la vie dévote en même temps que de la vie amoureuse. Merci à vous, Claude Habib. Votre livre, toujours disponible aux éditions de Fallois. L'émission a été préparée par Mirabelle Husson, Juliette Gou à la réalisation, Kevin Pelot à la technique.